Buenas noches, te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esta noche canciones que no se pintan solas, sino en comandita solidaria y subiendo la apuesta a cada rayujo. Un verdadero toma y daca que evoca paisajes parisinos y franceses en general, vistos desde el prisma de la excursión turística al viejo continente o desde la mirada del hijo pródigo que almacena recuerdos en trasteros y callejones. Esta noche el disco o EP de Downlands, traducido más o menos como Mal Vestida, creo, y también el disco de Manu Chao, Siberia Me Era Contada, sería la traducción, se supone, de este disco de el artista francés. Dos discos que se contraponen por la particularidad de que ambos nacieron inspirados por imágenes. En el caso del disco de Downlands, se acompañó con motivo de su publicación de un libro de historias dirigidas aparentemente hacia el público infantil, al igual que en el caso de Manu Chao, este Siberia, que se acompañó y se generó a partir de las imágenes del dibujante Bosniak, y además se publicó en su momento con el acompañamiento de ese libro en diferentes formatos. Y teniendo en cuenta que era el año 2004 y que estábamos hablando de un artista con una presencia mediática tan importante, resultó todo un revulsivo, además de un artefacto muy llamativo que enseguida pues alertó sobre las posibilidades del disco compacto ante la nueva era, las posibilidades que surgían de las colaboraciones y del aprovechamiento de los múltiples formatos que fácilmente se pueden emparentar con el soporte musical. Hemos comenzado con esta canción de Downlands, Bonsoir, Bonjour, y ahora vamos a continuar con la canción que, en cierto modo, representa el disco de Manu Chao. Era la canción que lo cerraba, el corte número 23, que respondía al nombre de Siberia y que se enmarcaba en una serie de puntos suspensivos y que servía de colofón a este disco singular.

siempre ha encontrado espacio para sorprender al oyente. Y su música nunca ha resultado tediosa porque siempre ha sido muy disfrutable cada movimiento. Rehuyendo la rutina que los géneros que más ha practicado hace a veces presumir y siempre, como digo, haciendo cosas inesperadas. Es el caso, por ejemplo, de este EP que publicó en el año 2012 y que surgió estando de gira por Europa y a través de un sentimiento pues más o menos espontáneo y una aspiración que le llevó a aprender en poco tiempo francés o a aprender el idioma lo suficientemente bien como para componer y grabar estas canciones. Estas canciones íntegramente, como digo, con letras en francés y en las que no necesariamente se aporta una visión pintoresca o arquetípica del continente, sino que hay una inmersión bastante profunda e interesante. Es un disco que, como antes comentaba, también tiene un acompañamiento visual porque se publicó junto con un libro que, inspirado en historias de Georges Brassens, pues incluía unas imágenes de su colaboradora Danica Novgorodov, esta mujer de difícil apellido que estuvo presente en la vida artística de Downlands desde el principio. Vamos a escuchar una canción de este disco francés de Downlands. Toutes les belles inconnues sur la grande avenue, d'en haut vous êtes toutes vert, présentes et curieuses. L'inconnu de la journée a des yeux excités, elle marche pied à pied, personne ne peut la toucher. Toutes les belles inconnues sur la grande avenue, et aussi le petit creux. L'inconnu de la semaine, cheveux noirs comme l'ébène, elle a l'air d'une reine qui attend la guerre prochaine. Toutes les belles inconnues sur la grande avenue, d'en haut vous êtes toutes vêtes, félantes et curieuses. L'inconnu de la saison qui a toujours dit non, est partie de sa maison comme une boule de savon. En el caso de Malavie

mille paillettes, je les voulais trop belles pour moi. Je les voulais qui font la fête, je les voulais toutes aux abois. Je les voulais toutes dans mes bras, je les rêvais belles et fragiles. Je les rêvais tellement dociles, je les voulais et je me noie. Assis tout seul sans queue ni tête, tout seul ma gueule encore une fois. Je me revois tel un pacha, entouré de 100 000 fatmas. Dans un grand lit plein de paillettes, y avait Francine, y avait Ginette. Tout seul ma gueule encore une fois, tout seul ma gueule je m'y revois. Y avait Francine, y avait Ginette, y avait la Louise et Roberta. Dans un grand lit à 1000 paillettes, je les voulais trop belles pour moi. Je les voulais à 1000 paillettes, je les voulais trop belles pour moi. Je les voulais qui font la fête, je les voulais toutes aux abois. Je les voulais toutes dans mes bras, je les rêvais belles et fragiles. Je les rêvais tellement dociles, je les voulais et je me noie. Assis tout seul sans queue ni tête, tout seul ma gueule encore une fois. Je me revois tel un pacha, entouré de 100 000 fatmas. Dans un grand lit plein de paillettes, y avait Francine, y avait Ginette, y avait la Louise et Roberta. Je m'y revois et je me noie. Assis tout seul sans queue ni tête, y a plus ni tambour ni trompette. Y a plus la Louise, y a plus Ginette, y a plus Francine, y a plus que moi. Y como antes comentaba, el disco de Downlands no es una mera excursión turística, sino que incluye referencias selectas al citado George Brassens. Pues también habría que añadir, obviamente, a Serge Gainsbourg o, por ejemplo, y al margen de las historias musicales, también referencias cinematográficas como la que supone... la cita en una canción de como la que supone la de los hermanos Dardenne en una canción que acentúa quizás también ese toque social en el disco de Downlands en algún tema o quizás esa también mirada compasiva que desprende en algunas canciones sobre los personajes o por ejemplo también esta canción que vamos a escuchar con una evidente referencia cinematográfica, la de la estatuilla, titulada Oscar y que reúne esa misma mirada, una miniatura fantástica que vamos a escuchar ahora. Je vais gagner un Oscar pour vivre à Los Angeles, peut-être à Beverly Hills, avant qu'il ne soit trop tard. Je vais devenir une star, traîner avec Johnny Depp, avoir des pensées trop deep et arriver en retard. Quand j'aurai la statuette que les gens me connaîtront, je les prendrai pour des cons. Je dînerai chez Scarlett. Là, je vis chez mes parents, pas encore à Malibu. Je me perds Marie-Lou. 20 ans, confuse à Rouen. Je vais gagner un Oscar. Je vais devenir une star. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es El Pasajero de Reserva, el programa que se emite los miércoles de 9 a 10 de la noche y cuyos podcasts, como el resto de programas pues pueden encontrarse en la página web de Radio Topo, en radiotopo.org, además de en el blog del pasajero de Reserva. Y en el disco de Manu Chao hay una canción que sin duda es especialmente emotiva. Elno es mort. Una canción que nos habla de Elno, el personaje, el miembro de aquel grupo francés, también recordado y parejo a Mano Negra, con una carrera más prolongada, llamado Les Negres Verts, que perdió a Elno en el año 93, muy poco tiempo después de iniciada la carrera del grupo. Tenía 29 años. Vamos a escuchar esta canción y proseguimos el recorrido por estos dos discos de contenido francés en forma y fondo y con perspectivas más cercanas de quizás lo que puede parecer. S'appelle La vie au lasso. Here we go. One, two, three, four. j'allume tous les réverbères de chaque capitale orientale. Tu crois que je vis sans sommeil, que je vis toutes les beautés, que je danse avec tous les marins de chaque bateau à quai. De les années 60 quelque chose. C'est mon chanson préférée à le moment. Tous les garçons et les filles. Here we go. Let's see. Ça va très bien ce qu'aimer veut dire. Et les se par les rues, la même peine, oui mais moi je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont un tube point perdu, sont joyeux. Nos hemos transportado hasta París, en concreto hacia el pequeño estudio de una emisora libre de la capital llamada Aligre FM, que emite en el 93.1 de la frecuencia modulada y que lleva incendiando las ondas a su estilo desde los años 80. Es una radio de contenido social, de contenido cultural, de temas diversos, enfocada hacia la comunidad y que también hay que decir que no es libre si nos atenemos estrictamente a los criterios del Manifiesto de Villaverde, pero sin duda tiene puntos de contacto con Radio Topo y otras muchas emisoras que, hablando de lo que a la mayoría de las personas nos interesa de una forma cercana y eludiendo el oscurantismo y esa masificación de los más media que se convierte en un ruido incesante que nos impide advertir las cosas importantes. Y en esta emisora, pues hace unos años dejó de emitir un programa que se llamaba Planet Claire Session y por el que circulaban artistas de pelaje diverso, entre las que estaba Don Lance, que en una ocasión, en el año 2012 creo, grabó una sesión con versión de François Hardy incluida. Y regresando al disco de Manu Chao, ese proyecto multidisciplinar que incluía un disco compacto pero también un libro con las ilustraciones del dibujante Bosniak, vamos a escuchar una canción que, aunque comparte ADN con ese estilo circular y repetitivo tan característico de Manu Chao y que tantos réditos le ha proporcionado, también es verdad que tiene ese revestimiento francés mucho más acusado, como otras canciones del disco, y que sin duda causó impacto, porque muchas sonoridades que encontramos en este Siberia pues las hemos podido localizar en otros artistas franceses reconocidos, como Benjamin Biolay o, por ejemplo, Kali. Continuamos. Je te vois dans le métro, je te bois dans mon café, je te brûle dans mon tabac, je te mange avec mes yeux, je t'imagine sous la douche, je nous vois dans un grand bain, je te vois dans le métro, entre Barbès et Clichy. Je suis fou de toi, je suis fou de toi, je te vois. bois dans le métro, je te bois dans mon café, je te brûle dans mon tabac, je te mange avec mes yeux, je t'imagine sous la douche, je nous vois dans un grand bain, je te vois dans le métro, entre Barbès et Clichy. Semblant de joie, semblant de toi, je rêve si fort, je te sens loin. Et puis encore, je rêve plus vite, je rêve plus loin. Je suis fou de toi. Semblant de joie, semblant de toi, je rêve si fort, je te sens loin. Et puis encore, je rêve plus vite, et puis soudain, je suis fou de toi. Je te vois dans le métro, je te bois dans mon café, je te brûle dans mon tabac, je te mange avec mes yeux. Je t'imagine sous la douche, je nous vois dans un grand bain, je te vois dans le métro, entre Barbès et Clichy. Semblant de joie, semblant de toi, je rêve si fort, je te sens loin, et puis encore, je rêve plus vite, je rêve plus loin. Semblant de toi, semblant de joie, je rêve si fort, je te sens loin, et puis encore, je rêve plus vite, et puis soudain, je suis. Je te parle dans un taxi, je te souris à la vie. Je suis fou de toi. Je te parle dans un taxi, je te souris à la vie. Je suis fou de toi. Je te parle dans un taxi, je te souris à la vie. Je suis fou de toi. Je suis. Y ahora vamos a escuchar la canción que da título al EP de Downlands, que es un disco que también cuenta con algunas colaboraciones puntuales de cierto relumbrón, como algún músico de TV on the Radio o, por ejemplo, también el cantante de Nada Surf. Vamos a escuchar, como digo, la canción que da título al EP. Je me suis levée comme toi, pomme. Je me suis levée mal habillée ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe hier soir. Là, là, j'ai eu la poisse. J'étais dans une soirée vraiment très chic avec tous mes amis. C'était le pied quand soudain ce garçon m'a dévisagé au chaud, mais trop tard, tournez la page. Il a eu le coup de foudre, moi pas du tout, c'est dommage, mais tu sais, ça c'est la vie, ça cassait pas de bruit. J'ai pensé, mais je me suis réveillée. Je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je te joue. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je te joue. Ce soir, ce soir, à des milliers de kilomètres. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je te joue. Ce soir je dors près de toi, dans la même chambre, dans la même chambre. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je te joue. Ce soir, à des milliers de kilomètres. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je te joue. Ce soir, je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je te joue. Ce soir je dors près de toi, dans la même chambre, sous le même toit. Ce soir je dors réveillé, l'esprit dehors, je t'entrevois. Ce soir je dors près de toi, comme à chaque fois, je ne m'y fais pas. Si loin de toi mon amour, si loin de toi. Si loin de toi mon amour, si loin de toi. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue. Ce soir je dors près de toi. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue. Si loin de toi mon amour, si loin de toi. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue. Ce soir, je dors près de toi. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je te joue. Si loin de toi, de Manu Chao, y ahora una última y bonita canción de Downlands, incluida en este EP del año 2012, que supuso una nueva colaboración con una artista que le venía acompañando desde su primer disco. Y ahí estaba, recuerdo, en aquel Downs Music, en la portada, las imágenes de la misma ilustradora a través de ese cisne enjaulado. Mm-ba, mm-ba, mm-ba, mm-ba, mm-ba. J'ai roulé doucement vers toi, dans mon coupé bleu Citroën, en roulant au bout de mes doigts des cigarettes américaines. Je suis revenu dans le film, cette fable du frère d'Aden, en forme de journal intime, ou love story dans les Ardennes. Dans la vie la plus triste du monde, deux amants, les plus heureux du monde. Et d'hôtel, dans la folle fête foraine, au milieu de dragons, des faux, des barbes papa, des baleines. La nuit je t'ai suffi les mots, et j'avais ta main dans la mienne, sous les nuages qui se sauvent comme des Rimbaud et Verlaine. Dans la vie la plus triste du monde, les plus libres du monde. Et les yeux dans les yeux, ils disent, oh mon amour, si tu veux. Do I, do I. Última canción del disco de Manu Chao, en este caso un vals dedicado a estos tiempos sucios que va a servir como colofón a este El Pasajero de Reserva y como transición para los oyentes que, permaneciendo en el dial, estén esperando a que comience Cuerdas de Acero. Le monde est pourri, sans valeur, ça ne vaut rien que de la merde. Et on y va. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à sale temps qui vous lâche, qui vous prend. C'est la vie, c'est la vie, qui dit long, qui dit oui. C'est la valse à sale temps, reine des emmerdements. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à sale temps des enfants du paradis. Et on y va. C'est la valse à sale temps qui vous lâche, qui vous prend. C'est la vie qui dit non, qui dit oui. C'est la valse à sale temps que danse Madame Satan. Et on y va. Gaston.